إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، تسعد المرأة المسلمة باقتفاء أثر خير نساء عشنا، خير نساء عشنا في أفضل القرون، وتربين في أجل البيوت بيت النبوة، أعلى الله مكانتهن وأجل قدرهن، ونزل القرآن بالثناء عليهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. زوجات مباركات ونساء عظيمات، أولاهن المرأة العاقلة الحاذقة ذات الدين والنسب، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، نشأت على التخلق بالفضائل والتحلي بالآداب والكرم، واتصفت بالعفة والشرف، وكانت تدعى بين نساء مكة بالطاهرة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت نعمة الزوجة له، وآوته بنفسها ومالها ورجاحة عقلها. وفي أحزانه عليه الصلاة والسلام كان يأوي إليها ويبث إليها همومه. نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام أول نزوله، فرجع إليها يرجف فؤاده من هول ما رأى، وقال لها: ما لي يا خديجة؟ لقد خشيت على نفسي. فتلقته بقلب ثابت وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكانت أول من آمن من هذه الأمة. قال ابن الأثير رحمه الله: خديجة أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. عظمت الشدائد على النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع دعوته، واشتد الإيذاء، فكانت له قلبا حانيا ورأيا ثاقبا، لا يسمع من الناس شيئا يكرهه ثم يرجع إليها إلا ثبتته وهونت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه الإمام أحمد. خديجة رضي الله عنها عظيمة بارة بزوجها وأم حنون، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم. أدبها رفيع وخلقها جم، لم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الكلام، ولم تؤذه في خصام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: بشرها ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ مجوف، لا صخب ولا نصب. متفق عليه. وكانت رضي الله عنها مرضية عند ربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لجبريل: إذا أتتك خديجة فأقر عليها السلام من ربها ومني. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها، أحبها الله وأحبتها الملائكة وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. كانت إذا ذكرها أعلى شأنها وشكر صحبتها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. سبقت نساء هذه الأمة في الخيرية والشرف. يقول عليه الصلاة والسلام: خير نسائها، أي في زمانها، مريم بنت عمران، وخير نسائها، أي من هذه الأمة، خديجة. رواه البخاري ومسلم. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'il y a des femmes qui ont connu la vie heureuse, la vie joyeuse, le véritable bonheur. Celles qui ont vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont les meilleurs exemples pour les femmes musulmanes. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu pendant les meilleurs moments de l'islam, des femmes qui ont été éduquées dans la maison prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a élevé leur rang. Allah Azza wa Jal a montré leur grande valeur. Et le Coran est descendu pour faire leurs éloges. Il dit Azza wa Jal selon le sens: ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme si vous êtes pieuse. C'était des épouses dignes et immenses, des épouses respectueuses et dotées de nobles comportements. La première de ces femmes était celle douée de raison, l'habile, celle qui était caractérisée par la chasteté et par le bon comportement. Celle qui était noble dans sa personne et dans sa lignée, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha. Elle était dotée, radiyallahu anha, de comportements plus que louables. Elle était appelée parmi les femmes de la Mecque, la pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle, et qu'elle belle et bonne épouse elle était. Elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa personne, par ses biens et par sa raison saine. Elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments de tristesse et de peur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste, il se rendait chez elle et faisait en sorte d'apaiser sa tristesse. Lorsque la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois, il est rentré chez sa femme Khadija radiyallahu anha. Il tremblait de peur alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit: qu'ai-je, ô Khadija? J'ai peur pour ma personne. Elle lui a donc répondu avec un cœur ferme et une raison plus que louable. Elle lui a dit: non, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. C'était la première de cette communauté à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam ibn al-Athir rahimahullah dit: Khadija est la première des créatures d'Allah à se convertir à l'islam. Et ceci à l'unanimité des savants, à l'unanimité des musulmans. Elle n'a été précédée dans son islam par aucun homme ni aucune femme. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi les persécutions de son peuple au début de l'islam et que les représailles étaient de plus en plus violentes, elle était un cœur apaisant et elle prodiguait au prophète sallallahu alayhi wa sallam les conseils qui raffermissaient et permettaient de raffermir et d'adoucir les peines. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait des mauvaises paroles des gens à son égard, il retournait chez elle afin qu'elle le raffermisse alayhi salatu wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Khadija radiyallahu anha: elle a cru en moi lorsque les gens ne croyaient pas en moi. Elle a considéré ce que je disais comme étant vrai au moment où les gens me traitaient de menteur. Elle m'a soutenu par ses biens lorsque, au moment où les gens me privaient de tous leurs biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé avec elle des enfants alors que je n'ai pas pas eu d'enfant avec autre femme. C'était une épouse, radiyallahu anha, obéissante, et c'était une mère tendre et compatissante. L'ensemble des enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient d'elle, hormis Ibrahim. Elle était dotée d'un comportement louable, et elle n'a jamais repris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une parole, et n'a jamais manqué à son égard, alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il y avait des échanges. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu à moi et m'a dit, annonce-lui la bonne nouvelle, c'est-à-dire à Khadija, d'une maison au paradis en perles, elle ne sera troublée par aucun bruit ni aucune fatigue. Elle était agréée de son Seigneur, radiyallahu anha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Jibril m'a dit, lorsque Khadija viendra à toi, passe-lui le salam de son Seigneur et de ma part. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. L'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah a dit, et c'est un mérite qui n'est connu chez aucune autre femme. Elle est aimée chez Allah, aimée des anges et aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'elle après sa mort, il montrait ses mérites et était reconnaissant envers elle. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il citait Khadija, ne se lassait pas de faire ses éloges et de demander le pardon pour elle. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des femmes à son époque était Maryam bint Imran, et la meilleure des femmes, c'est-à-dire à son époque, était Khadija, rapporté par Al-Bukhari Muslim. وفي بيت الصدق والتقوى ولدت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ونشأت في بيت الإيمان فأمها صحابية وأختها أسماء صحابية وأخوها صحابي ووالدها صديق هذه الأمة منحها الله ذكاء متدفقا وحفظا ثاقيا قال ابن كثير رحمه الله لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها فاقت نساء جنسها في العلم والحكمة ورزقت في الفقه فهما وفي الشعر حفظا سمت على النساء بفضائلها وجميل عشرتها يقول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليحب إلا طيبا يقول عمرو بن العاص رضي الله عنها أي النساء أحب إليك يا رسول الله قال عائشة قلت فمن الرجال قال أبوها رواه البخاري ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا نزل الوحي في لحاف امرأة سواها عفيفة في نفسها عابدة لربها لا تخرج من دارها إلا ليلا لئلا يراها الرجال تقول عائشة عن نفسها كنا لا نخرج إلا ليلا رواه البخاري ومسلم محققة قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولم تزل ساهرة على النبي صلى الله عليه وسلم تمرضه وتقوم بخدمته حتى توفي عليه الصلاة والسلام في بيتها وليلتها وبين سحرها ونحرها عائشة رضي الله عنها qui est née dans la maison de la véracité et de la piété, la fille d'Abu Bakr, le véridique, radiyallahu anhu. Elle a grandi dans une maison de foi. Sa mère faisait partie des compagnons. Sa sœur Asma était une sahabiya. Son frère Abdurrahman était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son père était le véridique de cette communauté. Allah azza wa jal lui a accordé une intelligence hors norme et une mémoire phénoménale. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dit, Il n'y a pas eu dans les autres communautés une femme comme Aïcha radiallahu anha. Dans sa mémorisation, dans sa science, dans son élocution et dans sa raison. Elle a dépassé l'ensemble des femmes de sa catégorie dans la science et la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une énorme compréhension de la religion. Elle a surpassé les autres femmes de par ses mérites et du bon comportement qu'elle avait en tant qu'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa sallam, le mérite de Aïcha vis-à-vis des autres femmes est comme le mérite du Tharid vis-à-vis des autres repas. Un Tharid qui était un repas somptueux et luxueux au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Lorsque Amr ibn al-As radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus aimé chez toi parmi les gens, ô envoyé d'Allah, il a répondu Aïcha, et parmi les hommes, il a répondu son père, Rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié à une autre femme vierge, autre que Aïcha radiyallahu anha. Et la révélation n'est descendu sous les draps d'une autre femme que Aïcha radiallahu anha. Elle était chaste, elle adorait son Seigneur et ne sortait de chez elle que la nuit afin que les hommes ne la voient pas. Et elle dit en parlant d'elle, nous ne sortions que la nuit, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Elle n'a cessé de s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de veiller la nuit aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la maladie qui a précédé sa mort. Elle s'est occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des façons. Et le prophète alayhi salatu wa sallam est décédé dans sa maison, pendant sa nuit et sur son giron radiyallahu anha. Wa salimatul qalb, Saoudatu bint Zum'ah radiyallahu anha. أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وانفردت به نحوا من 3 سنين كانت جليلة نبيلة رزقت صفاء السريرة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتبتغي بذلك رضا ربها والقوامة الصوامة حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأت في بيت نصرة الدين وإظهار الحق 7 من أهلها شهدوا بدرا والمنفقة زينب بنت خزيمة الهلالية ذات البدل والمسارعة في الخيرات مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم 2 ثم توفيت والمهاجرة المحتسبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها عقد عليها وهي في الحبشة فارة بدينها والصابرة الحبيبة أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية من المهاجرات الأول يقينها بالله راسخ توفي عنها زوجها أبو سلمة فقالت دعاء نبوية فعوضها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت أي أم سلمة رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فاجعل هذا الدعاء أيها المسلم ذخرا لك عند حلول المصائب، يعوضك الله خيرا من مصيبتك. Et celle qui avait le cœur saint, Saoudatou bint Zum'ah, radiyallahu anha, la première avec qui s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Khadija, elle est restée seule avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 3 années. C'était une femme de haut rang et c'était une femme noble, radiyallahu anha. Elle avait le cœur saint et elle n'a pas hésité à céder sa nuit à Aïcha radiyallahu anha pour faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour espérer la satisfaction de son seigneur. Et quant à celle qui prie la nuit et jeûne le jour, Hafsatu bint Amir al-Mu'minin, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha, qui a grandi dans une maison qui donnait la victoire à la religion, 7 de ses membres de sa famille ont participé à la bataille de Badr. Quant à la généreuse Zainab bint Khuzaym al-Hilaliya radiyallahu anha, elle donnait de ses biens et n'hésitait pas à aider et soutenir les pauvres. Elle est restée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 mois, puis est décédée radiyallahu anha. Quant à celle qui a émigré, celle qui a recherché la récompense de son seigneur, Umm Habibah, Ramlatu bint Abi Sufyan radiyallahu anha. Elle faisait partie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la plus proche de la lignée du prophète et de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celle envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la plus grande dot. Il s'est marié à elle sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était en Abyssinie, se sauvant pour protéger sa religion. Quant à la patiente et l'endurante Umm Salama radiyallahu anha, Hind bint Abi Umayyah, qui faisait partie des premières femmes à avoir émigré. Sa confiance en Allah azawajal était ferme. Son mari Abu Salama est décédé. Et elle a dit une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit radiyallahu anha, comme cela est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un musulman qui est touché par une catastrophe. Puis dit, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et accorde-moi meilleur que ce que j'ai perdu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'une personne dit cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace ce qu'il a perdu par une chose meilleure. Elle dit radiyallahu anha, et lorsque Abu Salama est décédé, j'ai dit, et qui parmi les musulmans est meilleur que Abu Salama, la première des maisons à avoir émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle dit, puis j'ai dit cette invocation, et Abu Salama a été remplacé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Umm al-Masakin, زينب بنت جحش بنت عمه صلى الله عليه وسلم نعمت بالحسب والنسب والشرف زوجها الله نبيه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد قال عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها بركة على المسلمات إلى قيام الساعة حين فرض الحجاب على بنات حواء بعد أن تزوجها ليكون صيانة للشرف والعفاف والنقاء سخية العطاء للفقراء والضعفاء كثيرة البر والصدقة ومع شريف مكانتها وعلو شأنها كانت تعمل بيدها تدبغ وتخرز وتتصدق من كسبها قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة رواه مسلم والعابدة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أبوها سيد مطاع في قومه، وهي مباركة في نفسها وعلى أهلها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومه منها، كثير التعبد لربها، قانتة لمولاها، كانت تجلس في مصلاها تذكر الله إلى نصف النهار. تقول: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال: ما أما زلت قاعدة؟ يعني تذكرين الله؟ قالت: نعم. رواه مسلم. Quant à la mère des pauvres, Zainab bint Jahsh radiallahu anha, qui était la cousine du prophète sallallahu, alayhi wa sallam. C'était une femme noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été marié à elle par Allah azza wa jal, sans tuteur ni témoin. Allah azza wa jal dit dans Surat al-Ahzab, le verset 37, puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Elle fait partie des femmes qui ont apporté de la bénédiction aux musulmanes, et ceci jusqu'à la fin des temps, car le hijab, le voile, a été rendu obligatoire pour les femmes musulmanes après, peu après son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle donnait aux pauvres. Elle était généreuse et était une femme de bonté. Et en plus de sa noblesse, elle travaillait de ses mains. Elle travaillait de ses mains et n'hésitait pas à tanner les peaux, etc. et à donner en aumône de son propre argent. Aïcha radiallahu anha dit: je n'ai pas vu de femme meilleure dans sa religion que Zainab. Je n'ai pas vu de femme meilleure dans sa religion que Zainab. Elle était pieuse envers son Seigneur. Elle était véridique dans ses paroles. Elle préservait les liens de parenté et donnait beaucoup d'aumônes. Hadith authentique rapporté par Muslim. Quant à l'adoratrice Jouaira bint al-Harith radiyallahu anha, son père était un notable de sa tribu. Elle était bénie radiyallahu anha dans sa personne et pour sa famille. Aïcha radiyallahu anha dit: je n'ai pas vu une femme qui avait plus de bénédictions pour son peuple qu'elle. Elle adorait son Seigneur radiyallahu ta'ala anha. Elle restait assise après avoir accompli la prière du matin, évoquant Allah azza wa jal jusqu'à la mi-journée. Elle dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à moi le matin alors que je proclamais la pureté à Allah azza wa jal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à ses affaires, puis il est revenu approximativement au milieu de la journée et m'a dit: tu es toujours assise, c'est-à-dire à évoquer Allah. Elle a répondu: oui. Rawahu Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الوجيهة صفية بنت حيي رضي الله عنها هي من ذرية هارون عليه السلام، كانت شريفة عاقلة ذات مكانة ودين وحلم ووقار. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لبنت نبي أي هارون، وإن عمك لنبي أي موسى، وإنك لتحت نبي. رواه الترمذي. وواصلة الرحم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها من عظماء النساء، منحها الله صفاء القلب ونقاء السريرة وملازمة العبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. Quant à Safiya bint Huyay radiyallahu anha, elle faisait partie de la descendance de Haroun alayhi salam. Elle était noble et douée de raison, de religion, de douceur et de fermeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour, « Tu es la fille d'un prophète, c'est-à-dire Haroun, et ton oncle est un prophète, c'est-à-dire Moussa, et tu es sous l'autorité d'un prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Quant à celle qui préservait ses liens de parenté, Ummul Mu'minin, Maymouna bintul Harith al-Hilaliyah, qui faisait partie des immenses femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a accordé un cœur saint et elle persistait dans l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha dit, quant à Maymouna, elle faisait partie de celles qui étaient parmi nous, celles qui étaient les plus pieuses envers Allah Azza wa Jal et celles qui étaient les plus méticuleuses dans la préservation des liens de parenté. أيها المسلمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معه في بيت متواضع في حجرات بنيت من اللبن وسعف النخل ولكنه مليء بالإيمان والتقوى صبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفقر والجوع وكان يأتي عليهن الشهر والشهران وما يوقد في بيوتهن نارا وتأتي أيام وليس في بيوتهن سوى تمرة واحدة ويمر زمن من الدهر ليس فيها سوى الماء بدون طعام قناعة في العيش وصبر على موعد الله وللآخرة خير لك من الأولى. Chers musulmans et musulmanes, sachez que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu avec lui dans la simplicité la plus grande. Ils ont fait preuve de modestie dans leur vie, radiyallahu anhun. Elles vivaient dans des pièces qui étaient construites en terre cuite et dont le toit était des branches de palmiers, mais elles étaient pleines de foi et de piété envers Allah Azza wa Jal. Elles ont patienté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la pauvreté et dans la faim, et il y avait plusieurs mois qui se succédaient sans qu'aucun repas ne soit cuisiné dans leur maison. Et il y avait des jours où n'était présent dans leur maison, radiyallahu anhun, qu'une seule et unique date. Et il y avait même des fois où il n'y avait dans leur maison que de l'eau sans nourriture. Elles étaient donc satisfaites de la vie qu'elles menaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont patienté car elles avaient la certitude en la promesse d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit Azza wa Jal et l'au-delà est meilleur pour toi qu'ici-bas. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير اقتداء لنساء المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.